Je déclare la guerre à une partie de moi-même, aussi vrai que l'on récolte les fruits de ce qu'on sème. Ce qu'on aime n'est pas forcément ce qui est bon. Ce qui procure le plaisir est souvent sans permission ou à condition de respecter certaines règles. Seuls les prophètes sont les exceptions de la règle. Exception faite par une âme sans tiraillement entre le loup et le loup qui agit différemment. Reçois le souffle de Dieu, son épouse de ses côtes. Le meilleur des hommes et le plus utile aux autres. À surmonter les épreuves déjà vues. Aucun peuple par le passé n'y est parvenu. C'est la victoire de l'esprit sur le corps. C'est vivre en comprenant qu'à tout moment surgit la mort. Refusant les excès de comportement. Se soustraire à la colère lorsque l'envie nous prend. Alors j'apaise mon cœur et me souviens d'où je viens. Profite de l'instant et me rappelle que nous sommes qu'un morceau de chair enveloppé dans du tissu. Qui marche sur la terre sans connaître son issue. Avant d'être un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour lui-même. Le loup mauvais et le bon loup sont les rouages de son système. La colère envie chagrin, avidité. L'autre est bon, paix, espoir et empli d'humilité. Ils combattent pour le passage à l'action. Maîtrisent le résultat mais jamais nos intentions. Ce même combat a lieu en chacun de nous. Celui que l'on nourrit sera le vainqueur des deux loups. On vit avec nos loups dans l'espoir de réconciliation. Mieux vaut le désaccord qu'une mauvaise conciliation. Au service du bien, j'essaye d'éduquer mon mal. C'est comme vouloir concilier la femelle et le mâle. J'ai du mal à me contrôler. Écoute ma façon de rapper, mes dérapages d'énervé couché sur une page arrachée. Aucun temps de réflexion comme un gun. Moi je crois bien que j'aurais réagi comme Brad Pitt dans Seven. La colère c'est bien ce qui incendie mon corps. Consume mes actions comme le feu fait fondre l'or. J'en suis peu fier et je m'exorcise sur un son. Profite de mes leçons et j'en parlerai chez Ardisson. Et puis je tourne mon visage vers le sud-est. C'est la seule direction qui apaise mon être. Celui qui croque avant l'accord obtient les plaisirs du corps. Mais n'aura que pour demeure à combustible de corps. Alors j'évite de mentir les faux plaisirs et médite selon l'humeur lequel des deux vais-je nourrir. De loups enragés qui se disent putain d'os, s'enfermer dans une cellule fabriquée de chair et d'os. Avant d'être un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour lui-même. Le loup mauvais et le bon loup sont les rouages de son système. La colère envie chagrin, avidité. L'autre est pompé, espoir et empli d'humilité. Ils combattent pour le passage à l'action. Maîtrisent le résultat mais jamais nos intentions. Ce même combat a lieu en chacun de nous. Celui que l'on nourrit sera le vainqueur des deux loups. Avant d'être un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour lui-même. Le loup mauvais et le bon loup sont les rouages de son système. La colère envie chagrin, avidité. L'autre est pompé, espoir et empli d'humilité. Ils combattent pour le passage à l'action. Maîtrisent le résultat mais jamais nos intentions. Ce même combat a lieu en chacun de nous.